elle était belle, elle sentait bon, elle est partie comme un ange. À la prochaine, hors de question, quand même un royaume en échange. Elle était belle, elle est pile poil, elle est partie comme un ange. Elle est de celle qui change la donne quand la vie de son mari change. Mes souvenirs n'ont pas pris une ride. Tristesse et la vida, on s'aimait trop mal, on se serait fait donner le sida. Nos destins coïncident, ma belle follow Dalida. Je crois que moi et mon orgueil tout pourri, on a fait un vide. Sans elle j'ai senti le vide, la chute, la redescente. Où est passée la fleur que j'ai connue adolescente? Hier, explique ses thèmes, tous ces mots qu'elle me bassine. Mignonne, allons l'accueillir, pétri jusqu'à la racine. Et résultat, plus je la voulais, plus elle s'éloignait de moi. J'en arrive au même résultat. Une sur un million, même aveugle, c'est elle que je vois. Elle était belle, elle sentait bon, elle est partie comme un ange. À la prochaine, hors de question, pas même un royaume en échange. Elle était belle, elle était bonne, elle est partie comme un ange. Elle est de celle qui change la donne quand la vie de son mari change. Un dernier clignement de style, dernier sourire facile. Rallumer la lumière, y'a plus personne au bout du fil. Devine ce que je deviens, comme elle sur messagerie. Pour le reste de ma nuit, pour le reste de ma vie. Un dernier clignement de style. Personne au bout du fil, devine ce que je deviens. Mon cœur attend qu'on le déploie. Elle était belle comme ma chute, elle est partie comme un chétan. Et résultat, plus je la voulais, plus elle s'éloignait de moi. J'en arrive au même résultat. Une sur un million, même aveugle, c'est elle que je vois. Elle était belle, elle sentait bon, elle est partie comme un ange. À la prochaine. De question, pas même un royaume en échange. Elle était belle, elle était bonne, elle est partie comme un ange. Elle est de celle qui change la donne quand la vie de son âme change. Non, tu vois, elle était valise là. Je m'en vais.